Bien-aimé, bonjour. Je vais parler d'un petit problème qui détruit pas mal de ministères. Ça, franchement, ça s'adresse en particulier à des hommes de Dieu. Beaucoup de ministères ont été salis. Salis, même dans des quartiers, pour des problèmes d'argent. Oh, cet homme de Dieu, c'est un escroc. Cet homme de Dieu, c'est un voleur. Vous entendez ça au quartier? La dernière fois, j'ai vu une vidéo sur YouTube où un homme de Dieu prêchait un message. J'ai suivi le message du début à la fin. J'ai dit, gloire à Dieu, le message était touchant. Tu pouvais sentir que vraiment, il était conduit par l'Esprit lorsqu'il avait prêché. Ça m'avait touché. Je me suis dit, je veux mettre ça parce que j'ai créé un groupe Facebook, un groupe chrétien où des gens font des exhortations et compagnie. Je me suis dit, comme il y a des gens dans mon groupe chrétien sur Facebook, je veux mettre la vidéo là sur Facebook pour que d'autres enfants de Dieu puissent bénéficier du message parce que c'était édifiant. Je mets alors la vidéo sur le groupe, mais j'ai été déçu de la réaction de certaines personnes du groupe qui connaissaient cet homme de Dieu. Et la réaction, c'était quoi? Ils ne disaient pas, oh, c'est un faux message. C'est un faux... Tout ce que j'ai eu à recevoir comme message de la part des personnes qui connaissaient cet homme de Dieu, c'est un escroc. Oh frère, pourquoi tu le mets sur le site? C'est un escroc, c'est un voleur. Lui, c'est l'homme des dîmes et des offrandes. Hein, il construit des maisons, hein, il voyage avec l'argent des gens. Ça, c'est un escroc, frère. Faut le supprimer sur le site. J'étais étonné de la réaction de beaucoup de chrétiens. Tout ce qu'ils ont retenu de lui, c'est un escroc. Lui, il ne parle que d'argent. Mais j'étais déçu. Ils n'ont même pas pris la peine d'écouter le message, qui était vraiment un bon message. Bien-aimé, toi qui es homme de Dieu, pourquoi tu vas laisser ton message prendre un coup à cause de l'argent? Je connais un homme de Dieu. Il est en Afrique. À chaque fois que sa femme tombait enceinte, il a envoyé sa femme en France pour venir accoucher en France. Après l'accouchement, la femme revenait au pays. Ça s'est passé comme ça pendant 2 grossesses. À chaque fois, il envoie la femme en France, accoucher ici. Après l'accouchement, la femme retourne en Afrique. L'assemblée, c'est une grande église. L'assemblée a commencé à murmurer. Surtout les femmes. Ah bon, nous on accouche ici, sa femme va accoucher en France avec notre argent. Voilà, on achète. Ça a commencé à murmurer. Nous, on accouche dans les hôpitaux d'ici. Monsieur, lui, sa femme, elle va toujours accoucher qu'en France. Et pourtant, ce pays, il ne travaille pas. C'est grâce à nos dîmes et des offrandes que sa femme va accoucher en France. Ça a fait du bruit. On critiquait l'homme de Dieu et son épouse. Ce qui fait que cela est monté jusqu'au pasteur. Un dimanche, le pasteur a pris le micro. Le pasteur a dit, ok, je suis au courant de ce que vous êtes en train de dire chez vous et dans l'église. Parce que ma femme va tout le temps accoucher en France. Ok, choisissez dans l'assemblée 10 personnes. Selon votre choix, dans l'assemblée, les 10 personnes viennent ici devant. On va prier pour ces personnes. Comme c'était une grande église, l'église a choisi 10 personnes. Ce sont des gens de l'assemblée qui ont choisi les éléments. Des adultes, des jeunes, ils ont choisi 10 personnes. Des hommes et des femmes. Les 10 sont allés à l'estrade. L'homme de Dieu a dit, ok, à partir d'aujourd'hui, ces 10 personnes que vous voyez, ce sont ces personnes-là qui vont désormais gérer l'argent de l'église. Moi et ma femme, on ne touchera plus à ça. On ne touchera plus à ça. Parce que si vous me voyez habillé, je change de voiture, j'entends les murmures, vous pensez que c'est votre argent. Parce que si vous voyez ma femme à l'estrade avec des jolies chaussures, jolies robes, vous pensez que c'est votre argent. À partir d'aujourd'hui, ce sont ces 10 personnes-là qui vont gérer l'argent de l'église. Bien-aimés, l'église a prié pour les 10 personnes. Ce qui fait qu'après chaque dimanche, les 10 personnes comptaient les offrandes et les dîmes. Et ils avaient un cahier où ils notaient le montant Et les 10 personnes, chacune des personnes portait sa signature pour confirmer que oui, effectivement, c'était ce montant-là aujourd'hui. L'église tournait comme ça. Mais Dieu est un Dieu de miracle. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la femme du pasteur tombe enceinte pour la troisième fois, des gens de l'église, parce que dans l'église, il y avait des hautes personnalités, des grands commerçants, des gens qui avaient l'argent. Il y avait des gens qui se portaient volontaires. Pasteur, moi je m'engage pour le bien et le retour de ta femme. Ce qui fait que la femme continuait à venir accoucher en France. Mais l'église n'avait plus rien à dire. Il ne pouvait plus dire c'est grâce à notre argent. Il ne pouvait plus dire si sa femme se bille bien là, c'est grâce à nos dîmes. Il ne pouvait plus dire le pasteur est élégant, des beaux costumes, c'est notre argent. Non! Parce que l'argent de l'église était maintenant géré par les membres de l'assemblée. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a fermé la bouche des personnes qui critiquaient, qui murmuraient dans l'église. On ne pouvait plus dire c'est grâce à notre argent. Parce que les 10 personnes étaient de l'assemblée. N'importe qui de l'assemblée pouvait s'approcher de ces personnes pour connaître l'état des comptes de l'église. Ce n'était plus la femme, l'affaire du pasteur ni de son épouse. Et c'est comme ça que Satan a fermé la bouche. Bien-aimé, si tu sais qu'à cause des problèmes d'argent, ton ministère est sali, de gauche à droite. Oui, l'apôtre Paul a dit, celui qui annonce de l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais l'apôtre Paul dit aussi que lui, il a préféré s'abstenir de ça, afin que cela ne fasse pas un obstacle. Il a raison. Paul sait que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais lui, il a préféré s'abstenir. Pourquoi? Parce qu'il savait que le cœur de l'homme est méchant. Paul a préféré, même s'il a droit. Oui, tu es homme de Dieu, tu as droit. Mais, bien-aimé, si ça salit ton ministère, si ça salit la réputation de ta personne, pourquoi ne pas s'abstenir? Regardez cet homme de Dieu, il a été vraiment conduit, vraiment c'est quelqu'un de sage, il a dit ok. C'est comme ça qu'il a fermé la bouche aux personnes qui murmuraient dans l'église. On ne pouvait plus dire que le beau costume qu'il avait hier, c'est nos dîmes et des offrandes. Parce que tout ça était maintenant géré par les membres de l'assemblée. C'était les membres de l'assemblée qui géraient. Combien de ministères je place une vidéo avec un message intéressant? Tout ce que les hommes ont eu, la réaction des hommes, c'était « c'est un escroc ». Cet homme-là vole les dîmes et des offrandes. Et pourtant, le message de cet homme vraiment venait de l'esprit. Ça m'avait touché. Je me suis dit, non, il faut que je partage ce message à d'autres personnes. Mais tout ce que les gens retenaient de lui, c'est un escroc. Bien aimé, combien de ministères sont salis? Parce que le problème, c'est quoi? Le nouveau converti qui va donner sa vie à Jésus et qui vient dans ton église, un jour, il rencontrera une personne qui te connaît. Mais le nouveau converti est encore charnel. Lorsqu'on va lui dire, tu vas dans l'église de tel, c'est un escroc, c'est un voleur, c'est un machin. Mais le nouveau converti va se décourager. C'est ça le problème. Donc voilà comment un homme de Dieu a fermé la bouche. Le diable n'avait plus rien à dire. Parce que le diable, c'est l'accusateur. C'est le diable qui va monter les membres de l'assemblée de critiquer. C'est Satan. Mais lui, voilà comment il a dit, ok, désormais, c'est l'assemblée, c'est vous-même qui allez gérer les comptes de l'église. Moi, je ne touche plus à ça. Ma femme ne touche plus à ça. Bien-aimé, ne laisse pas ton ministère traîner par terre à cause des problèmes d'argent. Ne laisse pas ton... Faut pas qu'on critique ta femme. Faut pas qu'on critique. Elle va dans les salons de coiffure par notre argent. Elle s'habille grâce à nos dîmes. Non! Dieu peut s'occuper de toi même si tu ne touches pas aux dîmes et des offrandes de l'église. Dieu est grand. Dieu, parce que qu'est-ce qui se passait? Quand sa femme tombait enceinte, des gens de l'assemblée qui ont l'argent se portaient volontaires. Frère, je m'occupe du billet aller-retour. La femme continuait toujours à venir accoucher en France. Mais c'est Dieu qui touchait les personnes qui avaient l'argent. Mais Satan ne pouvait plus dire quoi que ce soit. Satan ne pouvait plus dire, vous avez vu les chaussures de sa femme, c'est grâce à nos dîmes. Le diable n'avait plus rien à dire. Donc frère, réfléchis un peu. L'apôtre Paul dit que celui qui annonce de l'évangile doit vivre de l'évangile. Et il dit, lui, il a préféré s'abstenir de ça. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché de s'abstenir. Tu peux dire l'argent des dîmes et des offrandes va désormais être géré par un groupe de X personnes. C'est eux qui auront la charge de faire, le résultat des comptes. De prendre le micro un dimanche et de dire aux gens, voilà, nous avons reçu tant, on a invité un homme de Dieu, le billet a coûté tant. L'homme de Dieu va dormir à l'hôtel, les frais d'hôtel, la nourriture. Ils ont des reçus. C'est eux qui font le compte rendu de l'état des comptes, des dépenses et des entrées. Il faut un groupe. Il ne faut pas que le pasteur s'approche de ça ni sa femme. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu, des vrais ministères, sont salis à cause des problèmes d'argent. À cause des problèmes d'argent. Oh, cet homme de Dieu ne parle que d'argent. Mon frère, Jésus peut te bénir même si tu ne touches pas aux offrandes de l'église. Jésus peut te bénir. Regardez cet homme de Dieu qui est homme de Dieu comme toi. Sa femme continue à venir accoucher en France. Et pourtant, ce n'est plus lui qui gérait les dîmes et les offrandes. Donc arrêtez un peu avec ces histoires d'argent. Parce que ça salit votre personne. Parce qu'au quartier, les gens parlent de vous que argent, c'est un escroc. Lui, c'est l'argent. Donc c'est une exhortation pour les hommes de Dieu. Suivez votre frère qui l'a dit, ok. Désormais, c'est l'assemblée qui va gérer. Comme il était, on ne pouvait plus le critiquer. Il change, continue à changer ses vestes. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui venaient, que ce soit des hommes de Dieu ou des gens de l'assemblée qui ont été bénis. Quelqu'un pouvait venir lui donner une enveloppe, lui donner un chèque. Dieu continuait à le bénir. Et pourtant, il ne touchait plus aux dîmes des offrandes de l'église, ni lui, sa femme. Personne. Mais des gens lui donnaient des enveloppes, des personnes touchées par Dieu. Et il continuait à être élégant. Sa femme continuait à venir accoucher en France. Donc Dieu est capable de te bénir. Je le dis pourquoi? Parce que en touchant aux dîmes, c'est-à-dire que même si tu ne voles pas l'argent de l'église, mais Satan va mettre dans la tête des gens que la maison là c'est grâce à leurs dîmes. La paire de chaussures que ta femme portait hier c'est grâce à leurs offrandes. C'est ce que Satan va mettre dans leur tête. Mais pour fermer la bouche au diable, sors de tout ça. Choisis un comité ou bien laisse l'assemblée choisir les personnes pour gérer les dîmes et les offrandes. Comme ça, on ne va plus te critiquer. C'est ce que je tenais à dire pour mes bien-aimés, hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse.